conte de fées en français. Le diable et ses trois cheveux d'or. Il y a très très longtemps, dans une toute petite ville, la chance était tombée sur un pauvre couple de paysans. Leur fils était né avec la marque d'un sceptre derrière son oreille gauche. On avait prophétisé pour le petit garçon la grandeur. Il apporterait la chance et la fortune, pas seulement à ses parents, mais aussi à toute la ville. On croyait aussi que dès qu'il serait assez grand, il serait marié à la fille du roi. Ils étaient destinés à être ensemble. Le couple de parents était fou de joie. Quand le roi comprit qui était le garçon, il fut très en colère. Comment le fils d'un paysan pouvait épouser sa fille, une princesse? Il se déguisa alors en un riche propriétaire terrien et se rendit chez le paysan. Il mentit sur le fait de ne pas avoir eu d'enfant et offrit 2 sacs d'or aux parents en échange de leur fils unique. Le couple y réfléchit un instant. Ils refusèrent l'or avec humilité, mais acceptèrent de renoncer à leur enfant. Ils se savaient de toute façon trop pauvres pour pouvoir subvenir aux besoins de leur garçon à hauteur de ce qu'il méritait. Le roi prit l'enfant et le laissa dans un chariot sans surveillance au milieu de la ville. Il voulait juste le tenir éloigné de sa fille. Au cours de cette nuit orageuse, le roi pensa qu'il avait changé le destin. Mais ce n'était pas du tout le cas. Un moment après que le roi fut parti, l'enfant fut trouvé par un homme modeste. Lui et sa femme n'avaient pas d'enfant. Ils nommèrent le garçon Léo et décidèrent de l'élever comme leur fils. Les années passèrent. Léo grandit et devint un beau jeune homme. Un jour, alors qu'il traversait la forêt... Excusez-moi, monsieur. Connaissez-vous le chemin pour aller à Oggs? Oh, c'est facile. Tournez à gauche à l'arbre bizarre là-bas. Et après... Non, comment est-ce possible? Je l'avais pourtant éloigné. Dès qu'il sera assez grand, il sera marié à la fille du roi. Non, je ne le laisserai jamais épouser ma fille. Que faire maintenant? Attendez, je crois que j'ai une idée. Écoute, mon garçon, j'ai un message vraiment très urgent à faire livrer à la reine au palais. Peux-tu m'aider? C'est très, très important. Mais surtout, n'ouvre pas la lettre. Oh, je comprends, votre majesté. Je n'ouvrirai pas l'enveloppe. Et je pars immédiatement. Oh, mais oui. Et le plus tôt tu arriveras, le plus vite tu seras mis face à ton destin. Léo se mit en route, sans savoir que sa quête ne faisait que commencer. Il voyagea pendant des heures. Le palais n'était plus qu'à quelques minutes de distance. Mais soudain, un serpent apparut devant son cheval. Billy, reste calme! Où est-ce que tu m'emmènes, Billy? Arrête! Arrête! Avant que le cheval ne puisse s'arrêter, Léo se trouvait déjà loin dans la forêt, bien loin du château. Heureusement, il trouva une petite maison. Il descendit de cheval et frappa à la porte en bois. Bonjour, je m'appelle Léo. J'étais en route pour le palais pour livrer un message important, mais malheureusement, je me suis perdu. Puis-je rester ici pour la nuit? C'est une maison agréable. Merci de me laisser dormir ici. On dirait bien que tu ne sais pas qui je suis. Oh, si, je sais. Tu es Ginger. Tous les gens de la ville ont peur de toi. Ils disent que tu voles dans les maisons. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ne semblent pas savoir exactement quelle maison tu as cambriolée. Ah, mais c'est parce que je n'ai rien fait. En fait, Peu importe ce que je dis, les gens ne me croient jamais. C'est probablement à cause de mon apparence qui les effraie. Mais pourquoi toi, tu n'as pas peur de moi? Eh bien, j'adore les gens, mais je fais en sorte de ne pas écouter ce qu'ils disent. Ils parlent de choses qu'ils ne connaissent même pas. Regarde, tu as bien permis à un étranger de passer la nuit dans ta maison, hein? Je pense que ça, c'est très généreux. Ginger était surpris. Pendant toutes ces années, personne n'avait été aussi gentil avec lui. Léo mangea un peu et alla directement au lit. Ginger trouvait cela bizarre qu'on ait demandé à un civil d'aller apporter un message au palais royal. Il remarqua l'enveloppe dans la veste de Léo. Curieux, il décida de l'ouvrir. Celui qui porte cette lettre doit immédiatement être enfermé dans le donjon pour toute la vie. Pourquoi le roi demanderait-il une telle chose? Le roi a un mauvais cœur. Léo ne mérite pas ça. Ginger déchira la lettre. Il écrivit un nouveau message sur une nouvelle feuille, mit le tout dans l'enveloppe royale et la remit là où il l'avait trouvée. Le lendemain, quand Léo arriva au palais avec la lettre, celui qui apporte cette lettre devrait épouser la princesse immédiatement. Appelez la princesse Bella, s'il vous plaît. Bella, ton père souhaite que tu épouses ce jeune homme. Es-tu d'accord? Et comme le destin l'avait décidé, dès que Léo et Bella se regardèrent, ils tombèrent amoureux. Oui, maman, je veux bien l'épouser. La reine était très heureuse. Le mariage eut lieu le jour même. Léo et Bella étaient très heureux. Mais pas pour longtemps. Quand le roi revint, il fut furieux d'apprendre ce qu'il s'était passé. Mais c'était trop tard. Léo était un prince maintenant. Le roi n'avait pas moyen d'envoyer au donjon son propre gendre. Il réfléchit à un autre plan. Oh, mon cœur est brisé. Je sais que j'aurais dû t'en parler avant, mais la princesse est maudite. Il est dit qu'elle mourra au 7e jour après son mariage. Seule une chose peut la sauver. Les 3 cheveux d'or du diable. Je ne peux pas te forcer à aller les chercher. Mais si, voyons. J'irai, je ne peux pas laisser ma femme mourir. Léo dit au revoir à sa femme de la main. Sa route vers le diable l'amena jusqu'à une grande ville. Et tandis qu'il voulait y entrer, le garde à l'entrée l'arrêta net. Si tu veux entrer, résous cette devinette. Dis-moi, pourquoi la fontaine de notre maître, qui autrefois nous donnait du vin, ne nous donne même plus d'eau à présent? Léo réfléchit un instant. Je connais la solution à ton problème, mais en fait, je ne peux pas te la dire maintenant. Vois-tu, je suis en train de poursuivre une quête très importante. Et on m'a dit que celui qui me forcerait à répondre à des questions avant que j'aie accompli ma quête serait transformé en chèvre. C'était quoi déjà ta question? Un truc à propos d'une fontaine? Rien ne presse, tu sais. Pourquoi ne pas me donner ta réponse sur le chemin du retour? Oh! Eh bien, comme tu es généreux, merci, mon brave. Léo continua sa route et arriva dans une autre ville. Le garde l'arrêta à l'entrée. S'il te plaît, dis-moi, pourquoi l'arbre qui auparavant portait des pommes en or a seulement des feuilles à présent? Léo lui donna la même réponse que précédemment et entra dans la ville. Tandis que Léo pensait que l'étrange série de devinettes prenait fin, il croisa un marin qui lui en posa une autre. Je vais te faire traverser jusqu'à l'autre côté. Mais dis-moi un peu, je transporte des gens en ferry tous les jours sans que ça n'apporte de changement à mon travail ou à ma vie. Comment puis-je arrêter ça? Léo soupira et mentionna la chèvre au marin. Naturellement, le marin pensa qu'il valait mieux être marin toute sa vie qu'une chèvre. Il transporta Léo sur l'autre rive et lui dit au revoir de la main. Léo arriva enfin à la tanière du diable. Dehors, il vit que quelqu'un essayait de cueillir des mangues sur un arbre. Oh, désolé. Je ne toucherai pas ces mangues, je te le promets. Quoi? Tu n'es pas mon petit-fils? Je pensais que c'était le diable. Pourquoi es-tu ici, dis-moi? Le diable est ton petit-fils? Oh, très bien alors. Peux-tu me dire où je peux le trouver? J'ai 3 questions à lui poser. Léo raconta toute son histoire à la grand-mère du diable. Quoi? Le roi a dit que 3 cheveux d'or du diable lèveraient la malédiction? Le roi semble encore plus mauvais que mon petit-fils lui-même. Tu es un jeune homme innocent. Ton beau-père essaye de te créer des ennuis, tu sais. C'est pour ça qu'il t'a envoyé ici. Attends, tu es sûr? Voici le diable! J'adorerais voir ce qu'il va faire de toi! Léo était un jeune homme vif. Il réfléchit et passa un marché avec la grand-mère. La grand-mère devra le sauver et obtenir la réponse aux 3 devinettes posées par les gardes et le marin. Et en échange, il ne dira pas au diable que la grand-mère essayait de manger des mangues en cachette. Tu es intelligent. D'accord, marché conclu. La grand-mère du diable transforma Léo en fourmi et le mit dans sa poche. Quand le diable arriva, il était si fatigué qu'il alla se coucher directement. Mamie, qu'est-ce que tu fais? Oh, quoi? Quel rêve affreux, vraiment affreux j'ai fait! J'ai rêvé qu'une fontaine qui auparavant donnait du vin ne donnait à présent plus rien, même pas de l'eau. C'est parce qu'il y a un gros crapaud qui vit sous la fontaine. Quelqu'un doit le chasser de là. Le vin recommencera à couler. Bonne nuit maintenant! Après un moment, alors que le diable dormait profondément, sa grand-mère tira un autre cheveu. Ah! Quoi encore? Oh! Encore un cauchemar! Il y a cet arbre magnifique qui portait des pommes en or. Et maintenant, il n'y a plus que des feuilles. Pauvre petit arbre! Eh bien, un rat grignote ses racines, mamie! Quelqu'un doit chasser le rat! Oh, d'accord. Rendors-toi maintenant. Moi aussi, je vais essayer de dormir. Non, je sais que tu vas encore tirer mes cheveux. Donc, voilà. Maintenant, je n'ai plus aucun cheveu à tirer. Est-ce que tu es enfin contente à présent? Eh bien, en fait, j'ai une autre devinette. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le marin du ferry ne peut-il pas arrêter de transporter les gens aller et retour? Il n'a plus envie de faire ça. Comment peut-il arrêter? C'est parce que sa rame est maudite. Il doit passer sa rame à quelqu'un d'autre pour pouvoir s'en libérer. Est-ce que je peux me rendormir maintenant? Oh, bien sûr! Bonne nuit! La grand-mère rendit alors à Léo sa forme humaine et lui donna les 3 cheveux d'or. Léo s'inclina devant elle et s'en alla rapidement avant qu'elle ne change d'avis. Tu as la réponse? Bien sûr que je l'ai. Mais d'abord, ramène-moi. Une fois arrivé de l'autre côté, je te donnerai ta réponse. Le marin fit ce qu'il lui était demandé. Passe la rame à quelqu'un et tu seras libéré. Au revoir, mon ami. Sur le chemin du retour, il retrouva le deuxième garde. Mon ami, il y a un rat qui grignote les racines de l'arbre. C'est ce qui l'empêche de produire des pommes en or. Heureux, le garde se rendit sous l'arbre et chassa le rat. L'arbre fabriqua immédiatement des pommes en or. Contente, la ville récompensa Léo avec 2 sacs d'or. Maintenant, le moment était venu de répondre à la devinette du premier garde. Il y a un gros crapaud qui vit sous cette fontaine. Chasse le crapaud et la fontaine te donnera à nouveau du vin. Oh, quelle fontaine magnifique maintenant! Cette ville remercia aussi Léo avec 2 sacs remplis d'or. Léo accepta sa récompense et se remit en route pour le palais. Quand le roi vit Léo s'approcher avec 2 sacs d'or dans les bras, il sentit l'envie monter en lui. Oh! Oh! Mon gendre est de retour! J'étais si inquiet pour toi! Dis-moi, où as-tu trouvé tout cet or? Léo savait maintenant combien le roi était mauvais. Il y a un marin qui transporte les gens en ferry sur le chemin du diable. Tout ce que tu as à faire, c'est de monter dans son bateau, prendre sa rame et ramer au plus vite jusqu'à l'autre rive. Il y a des champs remplis d'or de l'autre côté. Le roi se dépêcha de retrouver le marin du ferry. Sans réfléchir à 2 fois, il prit la rame des mains du marin. Le marin dansa de joie et laissa le roi tout seul à son sort. Pendant ce temps, Léo découvrit la vérité à propos de ses vrais parents. Le couple de paysans et le couple qui l'avait élevé furent tous invités au palais. La prophétie devint réalité. Léo apporta la chance et la fortune à la ville tout entière. Quant au roi envieux, on raconte qu'il rame en permanence d'une rive à l'autre, tout seul. Car personne n'a jamais osé s'approcher de lui et prendre sa rame de ses mains.